Vous ferez votre job de preacher les 364 autres journées de l'année, là, c'est l'Halloween. J'aimerais ça, moi, que les écoles abandonnent s'ils veulent pas. Tu sais, la journée de l'Halloween, là, si t'aimes pas les enfants, puis tu veux rien faire, puis tu veux rien que faire la morale, ferme-là ta crise d'école, OK? Ben oui. Veux-tu laisser de l'émerveillement aux jeunes? Puis ça fait partie, excusez-moi, là, ça fait partie de la job de l'école, une fois de temps en temps, de ne pas oublier que des petits gars, c'est des petits gars, que des petites filles, c'est des petites filles, et que être un enfant, c'est pas être un adulte. C'est ça. Puis là, j'ai reçu beaucoup des commentaires, puis c'est des pères et des mères qui m'écrivaient sur leurs petits gars, qui étaient découragés des interdictions, puis qui me disaient, calvaire, m'as-tu demandé à mon petit gars de me déguiser en poussin? M'as-tu demandé à mon petit gars de se déguiser en clown? M'as-tu demandé à mon petit gars de se déguiser en petite pouliche ou en princesse, là? Tu sais, c'est un peu castrant, tout ça. Le mot est peut-être fort un peu, là, mais c'est beaucoup, beaucoup les déguisements reliés aux intérêts des gars qui ont l'air d'être coupés puis de créer un problème. Tu sais, je te dis pas qu'il faut s'organiser un barbecue, faut broyer autour d'un barbecue là-dessus, là. Non. Mais moi, non. Ça me fait de la peine parce que dans les écoles, je l'ai constaté au fil des années, je l'ai constaté quand j'étais là, je l'ai constaté quand nos deux plus vieux étaient à l'école. L'école publique est faite pour les filles. C'est une réalité, là, qu'on le veuille ou non, là, c'est une réalité. C'est faite pour les petites filles. Beaucoup de parents qui étaient découragés puis qui songeaient à... Tu sais, qui se disaient, écoute, non, vous avez le déguisement de poussin pour mon gars. OK, ça va passer, mais c'est un peu ridicule, là. T'sais? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Des professeurs vieilles filles, vieilles femmes... Frustré. Ouais, mal baisé. Déçu en amour. Ouais. Pas d'enfant, rendu à 50, 52 ans. Mmh. Et, qui veulent pas que les petits gars viennent des petits gars, parce que des petits gars, ça vieillit, pis après ça, ça fait de la peine aux petites filles. Ouais. Hein? Si on veut faire du Doc Mayo à 500 dans ma tête, là. Ça part loin, d'où là, tout ça, là? Ça part d'où. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de paresse aussi. Oh! C'est trop compliqué à gérer. Moi, là, écoute bien, là. Moi, je suis assis sur mon gros cul, là. J'attends qu'il soit 3h30 pour m'en aller chez nous pour avoir la paix, là. C'est trop compliqué à gérer, là. On va tout interdire ça. Tu sais, tu comprends-tu? Il y a beaucoup de ça, je pense, aussi, dans les écoles publiques québécoises. Mais les parents sont clients. Pourquoi, à un moment donné, ils se soulèvent pas? Pourquoi ils se choquent pas? Pourquoi? J'ai déjà essayé de dire que j'étais un client d'une école publique. OK, c'est pas vrai, là. Les autres, ils vont dire que non, t'es pas un client, t'es le parent d'un enfant qui bénéficie des services. Penses-tu qu'à l'école publique, ils te considèrent comme un client? Voyons donc. C'est parce qu'il faudrait que les parents aient leur mot à dire, là. T'as pas un mot à dire. T'as pas un mot à dire d'une école publique syndiquée. Oublie ça, là. C'est le syndicat qui mène dans les écoles publiques au Québec. C'est ça la réalité.